السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، la semaine passée, nous avons entamé l'étude d'un sujet extrêmement important, à savoir عالم الجن, le monde des djinns. Et dans ce cours précédent, nous avons vu l'importance de ce sujet, du fait qu'il a été traité dans le Coran et la Sunna. On a vu la définition des djinns et le lien qu'il y a entre les djinns, les shayatins et Iblis. Par la suite, on a vu, ou on a passé en revue certaines, on a mentionné plutôt certaines preuves du Coran et de la Sunna de leur existence. Par la suite, leur nourriture, leur boisson. Après cela, le fait qu'ils se reproduisent et ont une descendance. Où est-ce qu'ils vivaient? Leur apparence, certaines de leurs actions. Et on a fini sur le fait qu'ils sont créés par Allah tabaraka wa ta'ala et que la sagesse de leur création était la même que la nôtre. Comme Allah le dit dans Surat al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et aujourd'hui, بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, nous allons poursuivre l'étude de ce sujet, à savoir عَالَمُ الْجِنِّ, le monde des djinns. Le premier point, c'est قُدْرَةُ الشَّيَاطِينَ. Allah Azza wa Jal a donné aux shayatins, aux djinns, une capacité qui est plus grande et plus forte que celle des humains en général. Ceci dit, il faut prendre cette question de deux points de vue. Le premier, c'est cette force, cette capacité à se déplacer, pour certains à voler à une vitesse impressionnante. Et d'un autre point de vue, ils sont caractérisés et décrits par la faiblesse. Donc d'un point de vue, on parlera de force, de capacité, et d'un autre, de faiblesse. En mentionnant les textes et l'explication, ça sera plus apparent, incha'Allah ta'ala, plus clair aussi. Dans Surat al-Nisa, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Inna kayda shaytani kana da'ifa » Certes, la ruse du diable est faible. Certes, la ruse du diable est faible. Un shaytan n'a pas le pouvoir de te donner le bien ou de le retirer, de te toucher du mal et de le retirer, si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet de manière universelle, si ce n'est ce qu'Allah azza wa jal décrète. Dans Surat al-Isra, tu trouves Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux et ton Seigneur suffit pour les protéger. Et dans Surat al-Hijr, on a uni ces deux points de vue, la capacité et la faiblesse. قال الله جل وعلا قال ربي بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Il dit ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Dans ce passage, dans un premier temps, Shaytan prend l'engagement d'égarer les gens. Et dans un second temps, lui-même reconnaît et lui-même a cette connaissance qu'il n'a pas le pouvoir sur les gens sincères, sur les gens pieux. À l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Ainsi, l'adepte du monothéisme pur, l'adepte de la sunna, celui qui obéit Allah Azza wa Jalla et son messager sallallahu alayhi wa sallam, al-shaytan n'a pas de pouvoir sur lui. Al-shaytan a une emprise infiniment faible sur sa personne. Innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Et la plus grande arme que tu as face à lui, c'est le tawhid. C'est le monothéisme. C'est la sincérité. Comme Allah Azza wa Jal nous le dit, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont la foi et ceux qui, en leur Seigneur, exclusivement, placent leur confiance. Ainsi, celui qui accepte son prêche, celui qui accepte ses insufflations, se sera livré de plein gré à Shaytan et deviendra faible face à lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin » dans Suratul Hijr. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. On comprend clairement ici que l'emprise du shaytan est le fruit de la soumission du serviteur lui-même. L'emprise du shaytan est due au fait que le serviteur réponde à son appel. Dans le cas contraire, le shaytan est faible. Dans le cas contraire, le shaytan n'a pas d'emprise sur le croyant. Dans Sourate An-Nahl, إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Tous ces versets s'expliquent les uns les autres. Tous ces versets, viennent s'expliquer les uns les autres. Il a de pouvoir sur qui? Sur ceux qui le prennent pour allié en lui obéissant. Sur ceux qui sont dans le shirk, dans le polythéisme, sur ceux qui sont ses alliés. Quant à ces gens-là, Al-Shaytan a une emprise incommensurable sur eux. À un point tel qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Maryam, « Alam tara anna arsalna shayatina ala al-kafirina ta'uzuhum azza » N'as-tu pas vu que nous avons envoyé sur les kafirines, des diables qui les excitent furieusement. Des diables qui les excitent furieusement. C'est-à-dire qu'ils les poussent, ils les tirent vers la désobéissance. Ils les tirent, ils les poussent vers la désobéissance. Et l'emprise du diable sur les associateurs réside dans le fait qu'ils lui ont obéi, dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Comme l'a mentionné l'imam Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir, rahimahullah. Et on verra dans un volet futur que Shaytan entre par al-waswasa, par les insufflations sataniques. Il faut donc savoir aux musulmans, il faut donc faire savoir aux musulmans que s'ils désirent être forts face au diable et le voir faible face à lui, qu'il lui faut revenir vers Allah Azza wa Jal et qu'il lui faut rester sur le chemin droit d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Shaytan, face aux croyants forts, prend la fuite. Al-Shaytan, lorsque le serviteur se retrouve dans une grande adoration ou à la porte d'une grande adoration, il prend la fuite. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit au sujet de Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, inna shaytana la yafruqu ay yakhaf minka ya Omar. Certes, le diable a peur de toi, ô Omar. Certes, le diable a peur de toi, ô Omar. Apporté par Ahmed et Tirmidhi. Ainsi, celui qui a une foi forte, celui qui est sur la vérité, qui recommande le bien, qui proscrit le mal, al-shaytan ne restera pas avec lui. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit: Inni la anzuru shayatin al-jinni wal-ins farru min Omar. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit: je vois que les démons parmi les diables et parmi les humains se sauvent de Omar. Ils se sauvent de Omar al-Khattab radiallahu anhu, rapporté par At-Tirmidhi. Ceci n'est pas propre à Omar radiallahu anhu, mais si le croyant a une foi forte, ça peut lui arriver également. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna al-mu'mina la yunsa shaytana kama yunsa ahadukum ba'irahu fi safar. Rapporté par Ahmed rahimahullah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Ibn Kathir a expliqué le mot yansa par ya'khudhuhu binasiyati. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit donc: certes, le croyant prend le diable par son toupet, c'est-à-dire qu'il le dirige après qu'il eût été récalcitrant. Il le dirige, il le maîtrise. Comme l'un d'entre vous dirige son chameau. Le chameau, dans un premier temps, il tente de défier son propriétaire. Il tente de se rebeller. Il tente d'en faire qu'à sa tête. Mais une fois maîtrisé, il devient plus malléable. Pareillement pour Al-Shaytan. Pareillement pour Al-Shaytan, comme nous le dit le prophète alayhi salat wa salam. Ainsi, le croyant bat et fait se soumettre le diable. Et rappelez-vous ce que nous avons mentionné la semaine passée, que les djinns et les shayatines étaient sous la direction de Sulayman alayhi salam. Ils étaient à ses ordres et ils travaillaient sous ses ordres alayhi salam. Comme on l'a vu dans Sourate Saba. Et parmi ceux qui, ou celui qui avait la foi la plus forte et la plus complète sans aucun doute, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce hadith. Et il y en a plusieurs dans ce sens. Abu Darda radiallahu anhu nous dit: Qama fina, ou qama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et prié. Fasami'na yaqulu a'udhu billahi mink, a'udhu billahi mink, a'udhu billahi mink. On a entendu le prophète alayhi salat wa salam dans sa prière dire: je cherche refuge auprès d'Allah contre toi, trois fois. Thumma qala al'anuka bil'anatillah, je te maudis par la malédiction d'Allah. Il a dit cela trois reprises. Wa basata yadahu, puis il a tendu la main, كأنه يتناول شيئا, comme si il allait prendre quelque chose. ولما سألوه, quand ils lui ont posé la question, قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار. Il leur a, lorsqu'ils lui ont demandé sur la cause de son agissement, il a répondu: certes, l'ennemi d'Allah, Iblis, est venu avec une braise de feu et il a essayé de me toucher au visage. Certes, Iblis, l'ennemi d'Allah, est venu avec une braise de feu pour me la porter au visage. Fakultu a'udhu billahi mink. J'ai alors dit à trois reprises: je cherche refuge auprès d'Allah contre toi. Mais il n'a pas, ma'adha, il ne s'est pas reculé. Donc il a dit la suite et il a dit: aradtu an akhudahu. J'ai voulu me saisir de lui. J'ai voulu me saisir de lui. Wallahi, laula da'watu akhina Sulayman, et n'eût été l'invocation de notre frère Sulayman, c'est-à-dire parmi, du prophète Sulayman alayhi salam, la asbaha mawthuqan يلعب به ولدان أهل المدينة. Et n'eût été l'invocation de notre frère, c'est-à-dire du frère des prophètes, Souleyman alayhi salam, vous serez arrivé au matin, ou bien il aurait été enchaîné sur un pilier et les enfants de Médine auraient joué avec lui. Yani, subhanallah, la différence entre celui qui a la foi forte lorsqu'il parle des djinns, lorsqu'il voit, il est éprouvé par le djinn, et celui qui est faible dans son tawhid. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Puis il s'est défendu et c'est lui qui a été en position de force. Et il dit, n'eût été l'invocation de Souleyman alayhi salam, du prophète Souleyman alayhi salam, les enfants de Médine auraient joué avec lui. Yani, c'est un peuple sur le tawhid. C'est pas un peuple où tu viens, tu lui fais peur du djinn et ce genre de choses et il va égorger pour autre qu'Allah à cause du djinn et il est faible à cause du djinn. Non. Ils étaient forts par Allah Azza wa Jal. Ils cherchaient refuge auprès d'Allah et Allah Azza wa Jal les préservait. Ça, c'est un hadith. Dans ce sens-là, il y en a plusieurs encore. L'imam Muslim rapporte. Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit. Inna ifritan min al-jinn. Un djinn parmi les ifrit. On a vu la semaine passée que les ifrit parmi les djinns, c'est ceux qui sont dotés d'une force extrême et qui sont immenses. Ja'ala yatfulu alayya al-bariha liyaqta alayya as-salah. Et il poussillonnait en ma direction hier soir afin de me couper dans ma prière. Wa inna Allah amkanani min. Et Allah Azza wa Jalla m'a donné le dessus sur lui. Allah Azza wa Jal m'a donné le dessus sur lui. Et il nous dit, donc il l'a maîtrisé, et j'ai fortement pensé l'attacher à un pilier de la mosquée. Hatta tusbihu tanzuruna ilayhi ajma'un. Afin que vous arriviez au matin et que l'ensemble de vous, yani que vous puissiez tous le voir. Puis il a récité la parole du prophète Souleyman alayhi salam, son invocation. Rabbi ghfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ô mon Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'une royauté qui n'appartiendra à personne, qui ne conviendra à personne d'avoir après moi. فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِئًا. Et Allah Azza wa Jal l'a repoussé sur Ifrit du prophète alayhi salatu wassalam, perdant. En résumé, le musulman qui souhaite être ou voir Shaytan affaibli face à lui, qu'il renforce sa foi et concrétise la tawhid et la taqwa, la piété. Et de nous, on ne redoute qu'une seule chose en réalité, c'est al-dhunub, c'est nos péchés. De nous, on ne redoute qu'une seule chose en réalité, ce sont nos péchés. Le croyant, de par sa croyance, il est dans une forteresse. Il est intouchable. Il est sacré. Il est immensifié. Il est dans une forteresse. Et l'image des péchés, par rapport à cette forteresse, c'est à l'image de la porte d'entrée. Tant qu'il s'en prémunit, elle reste fermée. Dès lors qu'il les commet, cette porte s'ouvre et l'ennemi peut entrer de toutes parts. Et l'ennemi peut y entrer et se répandre de toutes parts. Donc on ne craint que nos propres péchés. Ash-shaytan, on a vu qu'il pouvait prendre l'apparence de certaines personnes, de certains animaux. Mais il ne peut pas prendre la réelle apparence du prophète alayhi salatu wassalam. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans le recueil de l'imam Tirmidhi et autres, Man ra'ani fa inni anahu. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui me voit en songe, je serai réellement celui qu'il aura vu. Fa innahu laysa li shaytan an yatamathala bi. Car certes le diable, il ne lui appartient pas de prendre mon apparence. Donc, celui qui rêve du prophète alayhi salatu wassalam, en connaissant sa description à travers les hadiths, Naam. Si réellement c'est le prophète alayhi salatu wassalam, alors c'est sûr que c'est pas le shaitan. Et on ne dira pas qu'à partir du moment où tu penses avoir rêvé du prophète alayhi salatu wassalam, c'est sûr que c'est lui. Non. Certains, dès qu'on leur dit c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur rêve, ils disent j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam, j'ai vu le prophète alayhi salam. Peut-être que c'est pas le prophète alayhi salatu wassalam. Dans ce cas-là, shaitan peut prendre son apparence. Mais si c'est réellement le prophète alayhi salatu wassalam, alors le shaitan ne peut pas prendre son apparence. Comment savoir si c'est lui ou non? Un homme a fait un rêve. Il a dit j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Abbas ou un autre lui a dit Sifli man ra'ayt. Décris-moi celui que tu as vu. Il lui a dit ceci, cela, il était comme ceci, comme ça. Il lui a dit, en effet, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, pour pouvoir affirmer cela, il faut connaître sa description. Sinon, on s'en tiendra à cette parole. J'ai vu une personne dans mon rêve et on m'a dit que c'est le prophète alayhi salatu wassalam. On m'a dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-din mukallafuna mithluna. Les djinns sont responsables, ils ont reçu des ordres, des interdits, tout comme nous. Celui qui obéit au prophète, alayhi salatu wassalam, rentre au paradis. Celui qui lui désobéit, rentre en enfer. Dans Suratul Dhariyat, le verset que vous connaissez tous, وَمَا خَلَقْتُ الْدِينَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tout comme nous avons été créés pour adorer Allah seul d'un culte sincère, les djinns l'ont également été. Les djinns ont reçu le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont divergé. Est-ce que les djinns ont reçu des messagers de leur espèce ou non? Certains savants ont dit oui. D'autres ont dit c'est impossible. D'autres ont dit nous n'avons pas de texte clair pour trancher. Ce sur quoi il n'y a aucun doute, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, son message, il est pour l'ensemble de ce qu'on appelle les thaqalayn, les deux charges. Les humains et les djinns. Les humains et les djinns. Sur ça, il n'y a aucun doute. Un deuxième point sur lequel il n'y a aucun doute, c'est que les djinns ont eu connaissance des messages ou de certains messages passés. Parce que dans Suratul Ahqaf, ils ont dit Min ba'di Moussa. Un prophète qui a été envoyé après Moussa. Donc, il connaissait Moussa, alayhi salam, et de son message. Et s'il n'a pas dit Isa, bien qu'il soit plus proche, les savants expliquaient en disant, parce que la base de la législation de Isa, c'est celle de Moussa, alayhi salam. Donc, ils ont mentionné la base. Quant aux preuves qu'ils sont responsables, qu'ils sont visés par les ordres, par les interdits, donc par la rétribution, le paradis, l'enfer, le jugement, dans Suratul An'am, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ma'ashar al-jinn wal-ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahiduna ala anfusina wa gharrathum al-hayatu ad-dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ô vous les djinns, ô vous les humains, les messagers ne vous sont-ils pas venus? Ne vous ont-ils pas récité mes versets? Ne vous ont-ils pas averti de ma rencontre de ce jour? Yani le jour de la résurrection. Ils répondront, ils diront, nous attestons de cela sur nous-mêmes. Mais nous avons été trompés par ce bas monde. Et ils attesteront contre leur propre personne qu'ils étaient du nombre des kafiris. Ça, c'est pour El-Jinn, c'est pour aussi El-Ins. Dans Suratul A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Nous avons apprêté, nous avons préparé pour l'enfer, bon nombre de djinns et de ins. Bon nombre de djinns et de ins. On a mentionné le verset de Suratul Ahqaf, Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Nous avons entendu un livre. Donc un groupe de djinns a entendu le prophète alayhi salat wa salam réciter. Il était dans la salat avec ses compagnons, ils ont écouté la lecture du Coran, ils se sont convertis à l'islam, ils ont adhéré au tawhid et l'ont propagé par la suite. Donc parmi eux, il y a des nuzur, il y a des avertisseurs. Il y a des nuzur, il y a des avertisseurs. Donc le prophète alayhi salat wa salam, sans divergence, a été envoyé au ins, et également au djinn, comme l'a dit Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, rahimahullah ta'ala. Aussi dans Surah Al-Isra, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il lança son défi de venir avec un Coran semblable, il a englobé Al-Jinn dedans. Il a englobé Al-Jinn dedans. Donc ça nous laisse entendre qu'ils sont responsables et qu'ils sont visés par les textes. Qul la inijtama'atil jinn wal Qul la inijtama'atil ins wal jinn ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dit, si l'ensemble des ins et des djinns se réunissaient pour apporter un Coran semblable, ils ne pourraient le faire. Ils ne pourraient amener un Coran identique. Quand bien même ils s'entraideraient les uns les autres. Dans Surah Al-Jinn, Allah nous dit: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns écoutait. Yani, ils écoutaient ma lecture durant la salat. Ils ont écouté le Coran. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Ils dirent donc: nous avons entendu une lecture merveilleuse. Nous avons entendu une lecture merveilleuse. Yahdi ila rushdi fa amanna bih. Qui guide à la droiture. Nous avons donc eu foi en cela. Wala nushrika bi rabbina ahada. Et plus jamais nous n'associerons quoi que ce soit ou qui que ce soit à notre Seigneur. Pareillement dans Surah Al-Ahqaf. Pareillement dans Surah Al-Ahqaf. Et dans la Sunnah, on a l'information de ces à leur sujet. Dans la Sunnah, on a l'information à leur sujet. Le hadith d'Abdullah ibn Abbas dans Al-Bukhari et Muslim. Ils sont donc venus cette fois-ci. Ils ont embrassé l'islam. Ils se sont répandus sur la terre, ont appelé à l'islam. Ils sont venus par la suite, de temps à autre, des délégations de djinns venaient voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il leur donnait du temps pour les instruire dans les règles de la religion. Et il invoquait en leur faveur et il les orientait dans le halal et le haram. Il les a informés de la laïcité, de la viande ou des os sur lesquels le fils de Adam aura mentionné Allah Azza wa Jal. Na'am. Et il les a informés de la laïcité pour leurs bêtes et de leurs montures que eux avaient pour nourriture les crottins des bêtes, des bestiaux, des humains. Le prophète, alayhi salatu wassalam, les a informés de tout cela. On a même dans le hadith qu'ils ont montré au prophète, alayhi salatu wassalam, leurs traces et les traces de leur feu. Comme on aurait dit pour nous les humains, leur campement. Leur campement. Na'am, je ne dis pas cela pour les djinns parce que j'ai pas entendu les savants le dire, mais pour nous, ce qui est décrit, c'est ce qu'on aura appelé notre campement. Dans le recueil de l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala, selon Abdullah ibn Mas'ud, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: innahu atani ou atani da'i al-jinn. Le prophète alayhi salatu wassalam me dit: où nous dit que un émissaire des djinns lui est venu. Fa'ataytu, je me suis donc rendu auprès d'eux. Fa'qara'tu alayhim, et je leur ai lu. En général, je leur ai lu, c'est le Qur'an. Et parmi ceux que leur a récité, subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, sourate ar-Rahman. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a récité entièrement sourate ar-Rahman. Na'am. Et la sourate au sujet duquel les savants disent, celui qui veut voir le paradis comme s'il y était, qu'il lit sourate ar-Rahman. Et leur réponse fut des plus magnifiques, fut des plus sensationnelles. À chaque fois que le prophète, alayhi salatu wassalam, disait, en lisant le Coran, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Quel bienfait donc de votre Seigneur allez-vous démentir? Quel bienfait de votre Seigneur allez-vous donc démentir? À chaque fois que le prophète, alayhi salatu wassalam, passait par ce verset, et ô combien il se répète dans Surat al-Rahman, il répondait, لا شيء من نعمك ربنا نكذب. Il disait, rien parmi tes bienfaits on ne démentira, ô notre Seigneur. À chaque fois que le prophète sallam passait par ce verset, et il se répète beaucoup, il répondait, on ne reniera aucun, on ne démentira aucun de tes bienfaits, ô notre Seigneur. Il rajoutait, falak alhamd. Toutes les louanges te reviennent de droit. Ça, c'est les djinns, subhanallah. Ça, c'est la parole des djinns. Na'am. Et ce hadith est rapporté par Al-Bazzar, par Al-Hakim, et dans Sahih Al-Jami'. Rahmatullahi alayhim. Ibn Kathir a détaillé ces textes et les a mentionnés dans le tafsir de Sourate Al-Ahqaf. Dans le tafsir de Sourate Al-Ahqaf. Et dans les livres de Sira, tu trouves la mention de djinnu nasibin. Tu trouves la mention des djinns de nasibin, plutôt. Nasibin. C'est un coin vers le Yémen. Et ce sont ces djinns-là qui sont venus et ont écouté la lecture du prophète, alayhi salatu wassalam. Passons maintenant. À partir du moment où nous avons dit qu'ils étaient mukallafoun, responsables, na'am, tout comme les humains sont responsables, chez les humains, il y a ceux qui ont la foi forte. Il y a ceux qui ont la foi faible, ceux qui sont croyants, ceux qui sont mécréants, ceux qui sont à la sunna, ceux qui sont à la bid'a, et ainsi de suite. Ben, pareillement chez les djinns. Ils ne sont pas tous à la même échelle. Parmi eux, il y a les croyants pieux. Parmi eux, il y a les croyants faibles. Parmi eux, il y a les gens de Ahlul Sunna. Parmi eux, il y a les gens de Ahlul Bid'a. Parmi eux, il y a les dévoyés. Parmi eux, il y a ceux qui ont telle autre religion et telle autre. Et ainsi de suite. Naam. Dans Sourate Al-Jin, Allah Azza wa Jal nous dit « وَأَنَّ مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدَا » Dans Sourate Al-Jin, Allah subhanahu wa ta'ala nous relate leurs paroles. Et il y a certes parmi nous les pieux et parmi nous ceux qui ont un niveau moindre. Ceux qui ont un niveau moindre. Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. Nous étions divisés en différentes sectes. Dans Sourate Al-Jin, toujours, وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Et il y a parmi nous les musulmans, et il y en a les injustes, et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. Et la plupart des shayatines, la plupart des djinns, ne sont pas sur l'islam, ne sont pas sur la droiture. Naam. Et c'est valable pour les humains. Pour 1000 personnes, combien entreront au paradis? 1 pour 1000. 1 pour 1000. Et c'est encore un des textes qui montre que la majorité n'est pas gage de vérité. N'est pas gage de vérité. Passons maintenant à un grand chapitre dont l'importance, dont sa connaissance est capitale et primordiale pour le croyant. Adawatu shaytan libni Adam. L'inimitié. La grande haine que porte le diable au fils de Adam. C'est une haine, c'est une inimitié qui est très ancienne. Et qui est inscrite dans l'histoire, en commençant par le Coran. En commençant par le Coran. Al-Shaytan est plein de rancune, de colère, de véhémence, de haine, d'inimitié à l'égard de notre père Adam, qu'il a jalousé depuis son premier jour, avant même que son âme soit insufflée dans son corps. Avant même que son âme soit insufflée dans son corps. La première histoire qu'on trouve dans Sourate Al-Baqarah est celle-ci. Et la dernière mention qui est faite dans le Coran l'est également. C'est également celle-ci. C'est un avertissement contre ton ennemi déclaré, Al-Shaytan. Dans le recueil de l'imam muslim, Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit « Lama sawar Allahu Adam fil janna tarakahu ma sha Allah an yatruka » Le prophète alayhi salatu wasalam nous dit « Lorsque Allah représenta Adam, donc il lui donna sa forme, il le créa, lui donna sa forme, mais avant de lui insuffler son âme, il lui donna sa forme. Puis le délaissa, ou plutôt le laissa le temps qu'il eût voulu le laisser. Faja'ala Iblis yatifu bih. Iblis est venu et a commencé à lui tourner autour. Il a commencé à lui tourner autour, yanzuru mahu, et regardait ce que c'était. Falamma ra'ahu ajwaf, lorsqu'il a vu qu'il avait une cavité. Il y a un intérieur. عرف أنه خلق خلقا لا يتماسك. Il a su qu'il avait été créé de sorte à ne pas pouvoir patienter face à toute épreuve. Naam, il n'allait pas pouvoir avoir la retenue parfaite. ولما نفخ فيه الروح, lorsque son âme fut insufflée, أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. Le hadith s'est arrêté. Donc lorsque Allah Azza wa Jal lui a donné son âme, lui a créé son âme, et qu'elle lui fut insufflée, il ordonna aux anges, comme vous le savez tous, de se prosterner devant lui. Il y avait avec les anges, Iblis. Les anges se sont tous prosternés, sauf Iblis, qui a refusé et s'est gonflé d'orgueil. Ô Iblis, Ya Iblis, ma ma'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Ou Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Qala ana khayrun min. Moi, je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar. Tu m'as créé de feu. Wa khalaqtahu min tin. Lui, tu l'as créé de terre. C'est la première fois dans l'univers d'Allah Azza wa Jalla et son royaume qu'il y a eu le péché, qu'il y a eu ces trois péchés-là. Ou ces quatre péchés. Le premier, la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. La désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le deuxième, al-hasad, la jalousie. Le troisième, al-takabbur, l'orgueil. Yani le fait de se voir au-dessus de l'autre. Et enfin, et ça rentre dans cela, c'est l'unsuriya, le racisme. Le fait de se voir mieux suite à ta matière, à ta couleur, à, et ainsi de suite. Ces points-là, tous ceux qui les ont sont les héritiers de Iblis. Sont les héritiers de Iblis. Et c'est la première fois aussi qu'il y a eu Al-Qiyas ul-Fasid, comme a dit Cheikh Mohamed Al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala. Une analogie fausse. Iblis a pensé que le feu était meilleur que la terre. Or, le feu, ça détruit. Le feu, ça ne construit pas. Le feu, c'est le désordre. La terre, c'est la sérénité, la tranquillité. De la terre, tu construis, et ainsi de suite. Iblis a demandé à Allah Azza wa Jal de par sa puissance. Donc Iblis reconnaissait les attributs d'Allah Azza wa Jal. فَأُفِّلْ لِلْجَهْمِيَّ Subhanallah. Iblis a été meilleur que certaines sectes qui renient les attributs d'Allah Azza wa Jal. Iblis a dit فَبِعِزَّتِكَ Par ta puissance, il a reconnu cet attribut d'Allah Azza wa Jal. Iblis croyait aussi au jour de la résurrection. Anzirni ila yawmi yub'athoun. Accorde-moi un délai jusqu'au jour de la résurrection. Malheur à ceux qui ne croient pas au jour de la résurrection, Iblis est meilleur que dans cela. Donc Iblis a demandé un délai à Allah Azza wa Jal, par sa puissance, de le laisser jusqu'au jour de la résurrection. Et il prend l'engagement de tous nous égarer, sauf les serviteurs élus parmi nous, sincères parmi nous. Dans Surat Al-A'raf, قَالَ فَأَنْذِرْنِي لَيَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ Il dit, accorde-moi un délai jusqu'au jour de la résurrection. On lui dit, ou bien il dit, tu es certes parmi ceux qui ont ce répit-là. Il a donc une haine profonde à l'égard de Adam alayhi salam et il veut sa vengeance. Ainsi, il souhaite s'attaquer et il a pris l'engagement de s'attaquer à toute sa descendance. À toute sa descendance. Dans Surat Al-A'raf, on nous décrit cela en nous disant فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمُ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Tu es certes, Allah lui dit, tu es certes de ceux à qui le délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, donc c'est Shaitan qui dit cela, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. C'est-à-dire que j'obstruerai tout chemin qui mène au bien. Je ferai tout mon possible pour qu'ils ne fassent aucune bonne œuvre. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche. L'ennemi, lorsqu'il vient à toi, il tente de t'attaquer. Soit il vient, il est face à toi. Soit il vient de derrière. Soit il vient de la droite. Soit il vient de la gauche. Naam. Et par la suite, il y a eu les moyens technologiques qui ont fait que ils peuvent venir même d'en haut. Si ce n'est que en haut, souvent c'est d'où descend la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc très souvent, on ne mentionne pas Naam. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit du déversement de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans Sourate Al-Isra, on nous dit وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait que des promesses ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde et pitié envers nous a mentionné cette histoire dans le Coran. Pour qu'on connaisse notre ennemi, pour qu'on se prémunisse contre lui et qu'on soit sur nos gardes. Et il nous dit clairement dans le Coran, dans Surat Fatir, « Inna shaytana lakum adu, fattakhidhu adu. » Certes, le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc en ennemi. إنما يدعو حزبه ليكون من أص... يكون من أصحاب السعير ليكون من أصحاب السعير. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Dans Surat al-Isra, cette jalousie débordante. أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ. Il dit encore, vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi? Ça, c'est la jalousie. L'envieux, le jaloux, son ancêtre, c'est Iblis. Al-Shaytan al-La'in. La'in akhartani la yawmi al-qiyama, la'htanikanna zurriyatahu illa qalila. Si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Cela nous amène à cette question. Quel est le but ultime du diable? Quel est son but suprême? Quel est son espoir par-dessus tout autre? C'est qu'on soit tous avec lui en enfer. Tout ce qu'il fait en dehors de ça, c'est pour arriver à ce résultat-là. Tout ce qu'il fait en dehors de ça, c'est-à-dire qu'il souhaite nous faire tomber dans le shirk, dans la bid'a, dans tel ou tel péché, délaisser telle bonne action, prier, se dire « non, je suis dans l'ostentation ». Non, j'étudie pas parce que je suis pas sincère. Non, je mets pas le hijab parce que je suis pas sincère. Toutes ces ambiguïtés, toutes ces insufflations, toutes ces actions, il y a un seul but ultime. C'est qu'on soit avec lui en enfer. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Il ne fait qu'appeler ses partisans afin qu'ils soient du nombre des gens de la fournaise. Et Iblis a un stratagème élaboré, étudié. Et il passe, yani il a établi son plan, son stratagème, et l'élabore en passant d'un volet à un autre. Et il ne passe à l'autre que lorsqu'il échoue dans le précédent. Son premier volet, c'est le volet du shirk et du kufr. Sa première volonté est qu'on sorte de l'islam. Et si on n'y est pas, qu'on n'y entre pas. Ibn Qayyim a cité ces volets-là. Si malgré tout la personne est musulmane et reste dans l'islam, il passe au deuxième volet. Sa deuxième carte, c'est quoi? C'est l'innovation. Parce que l'innovation est plus aimée au diable que les péchés. Car des péchés, on regrette. Des péchés, on s'en repent. Mais de l'innovation, on pense être dans le bien. On combat celui qui nous conseille. On le voit comme un ennemi. On le voit comme un ennemi. Le pécheur, il sait qu'il est mauvais. L'innovateur, il ne le sait pas. Le pécheur, ses péchés sont rattachés à la passion. L'innovateur, ses péchés sont rattachés à l'ambiguïté. Le pécheur, son défaut, c'est dans l'action. L'innovateur, son défaut, c'est dans la connaissance. Le pécheur, il se fait du mal qu'à lui. L'innovateur, il détruit la communauté. Pour ces raisons et d'autres mentionnées par les savants, l'innovation est bien plus grave. L'innovation est bien plus grave. Le pécheur, il fait un crime contre sa propre personne. L'innovateur fait un crime contre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, s'il ne réussit pas à faire tomber la personne dans le polythéisme majeur, il passe à l'innovation. Dans sourate Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. الشيطان, l'instigateur du mal, subhanallah, il fait tomber les gens dans le mal, puis il dit: J'ai rien à voir avec vous. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme, sois incrédule, yani mécrois. Puis quand il a mécru, il dit, je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. On a d'autres textes dans ce sens. Dans le recueil de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, Iyad nous dit, radiallahu an, khatab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dhat yawm. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une khutbah. Plus loin, il nous dit qu'Allah dit, inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. J'ai créé mes serviteurs sur la saine nature, sur le tawhid, tous. Fajtalathum ash-shayatin an dinihim. Et les diables, les démons, les ont égarés de leur religion. Wa amarhum an yushriku bi. Et ils leur ont ordonné de me donner des associés. Malam unzil bihi sultana. Ce dans quoi je n'avais révélé aucun argument, ou aucune science, ou aucun pouvoir. Donc, parmi la fitna du shaitan, le fait de faire tomber les gens dans le shirk, dans le kufr, s'il n'y réussit pas, il passe au deuxième volet, à l'innovation. S'il n'y réussit pas, il fait tomber. S'il ne réussit pas, il fait tomber les gens dans quoi? Dans les grands péchés. S'il ne réussit pas, il fait tomber les gens dans quoi? Dans les petits péchés. Et lorsqu'il n'arrive pas à faire tomber un tel à tel moment dans le petit péché, alors il fait tomber dans la distraction, dans l'insouciance. Puis s'il fait l'adoration, il ne le laisse pas. Il ne le laisse pas. Subhanallah. Il vient pour qu'il ait la récompense la plus basse. Le prophète, alayhi salatu wasalam, dit, l'un d'entre vous rentre en prière, il ne sort de sa prière qu'avec la récompense. Sa moitié, son tiers, son quart, son cinquième, son sixième, son septième, son huitième, son neuvième, d'autres sortent avec rien. C'est-à-dire, il est dans la salat, shaitan lui le dérange dans sa salat, il perd de la salat, il perd, jusqu'à presque ne rien avoir ou rien avoir. Une des grandes armes du shaitan, c'est tafriqatu bayna al-muslimin, c'est le fait de diviser entre les musulmans, c'est le fait de semer la zizanie entre les croyants. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte Inna shaytana aysa ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-Arab. Certes, le diable a désespéré d'être adoré par l'ensemble des prieurs de la péninsule arabique. Lakin fi at-tahrish baynahum. Mais il usera de zizanie entre eux. Il sème la division, la haine et ainsi de suite. Et tu trouves cela dans Sourate al-Ma'idah, verset 91. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ Dans sourate al-Baqarah, إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. Il vous ordonne le mal et les turpitudes. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Parmi les stratagèmes du diable, il essaie d'obstruer face à nous tout chemin du bien, toute bonne œuvre. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Inna shaytana qa'ada libni adam bi atruqi. Certes, le diable s'est posé sur le chemin du fils de Adam. Tout chemin qu'il empruntera vers le bien, et shaytan sera face à lui. Quel est ce chemin-là? C'est l'islam, c'est le Coran, c'est Sunna, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la suite du hadith, on nous dit, s'il veut entrer en islam, le shaitan lui vient et lui dit, quoi? Tu vas laisser la voie de tes ancêtres? Tu vas laisser la voie de tes pères? Tu vas laisser la voie de tes ancêtres? Et ce qu'ils adoraient, tu vas l'abandonner? Vous comprenez? S'il désobéit au shaitan, il rentre en islam, ensuite il lui vient par la porte de la jira. Quoi? Tu vas faire l'égir? Tu vas laisser ta terre et ton ciel. Hein? Tu vas laisser ta terre et ton ciel. Ceux qui pensent à la Jira, qui sont déterminés à la Jira. Une des dernières choses qui leur vient dans le cœur. Ah, j'ai peur que ça me manque trop. J'ai peur mes habitudes. Mais est-ce que c'est exactement ce que dit ici le prophète, alayhi salatu wassalam. Maintenant que tu sais que c'est minash shaitan. Dis a'oudou billahi minash shaitan al-rajim. Dis a'oudou billahi minash shaitan al-rajim. Naam. Et tu trouves cela dans le Coran, dans Sourate Al-A'raf, le verset 16. قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Prenez un exemple, la salat. Cette grande œuvre, cette grande œuvre, cette adoration qui est la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Shaytan fait tout pour te, pour que tu ne la fasses pas déjà. Hein? Lorsque tu veux faire salat et tu veux commencer salat, ou lorsque tu conseilles ton frère de sang, ton ami, tes parents ou tes enfants, ou ah moi je suis sale, ah moi j'ai fait des péchés, ah moi, mais subhanallah, c'est pour ça qu'on va prier, parce qu'on est rempli de péchés, c'est pour ça qu'on prie, subhanallah. S'il y avait que celui qui est propre qui se lave, qui se laverait? Naam. Il prend son enfant de force et il le jette dans la baignoire et il le frotte. Et il le savonne, il le shampoing, il lui met du shampoing. Et l'enfant, il se débat, il veut continuer à jouer. L'enfant, il va ressortir, il va se salir. N'est-ce pas? La femme, elle nettoie son sol, elle fait sa vaisselle, elle range sa maison. 2 minutes après, elle crie, elle dit, je viens juste de nettoyer, tu fais ça et tu fais ça. Sahih alala. Hein? Toute personne mariée le sait. Toute personne mariée le sait. Naam. Et les meilleurs d'entre nous, même ceux qui aident, ceux qui font, ils le savent. Naam. C'est une torture pour la femme maniaque. Mais tant qu'il y aura de la vie et de la santé, ça sera comme ça. L'enfant qui bouge, alhamd, qui bouge, alhamdulillah, c'est-à-dire qu'il a la santé. L'enfant qui court, qui tombe, qui se relève, qui se fait mal, qui salit, ça veut dire alhamdulillah, il est en bonne santé. Naam. Ça, c'est une faïda de Ammi Abdel Qadr. Naam. Un papa du masjid, masha'Allah. Un des vétérans du masjid, sauf al-awwal hafid. Waffaqahullah wa hafidah. Qui m'a donné cette leçon. Hein. La barakale avec les grands. Et un des sens, c'est ça, c'est l'expérience. Il te dit, l'enfant, yani relativise pour que tu patientes sur les enfants. Il te dit, l'enfant qui ne bouge pas, c'est un enfant qui est malade. L'enfant qui bouge, l'enfant qui fait des bêtises, c'est qu'il a la santé. Remercie Allah Azza wa Jal. Naam. Barakallahu fi. Al-Shaytan va tout faire pour que tu aies cette ambiguïté. Quelle était cette ambiguïté? Je suis sale. Tant que je ne serai pas propre, je ne commencerai pas la prière. Dans un autre langage, je suis souillé par la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Une fois repenti, une fois corrigé et droit sur la religion d'Allah, à ce moment-là, je prierai. Tu ne seras pas droit tant que tu ne prieras pas. Tu ne seras pas propre tant que tu ne prieras pas. Comment, j'ai pas envie d'être hypocrite, j'ai envie d'être vrai. Moi, je fais des bêtises et je vais prier à côté, ça va pas ensemble. Quand j'arrêterai de faire des bêtises, je prierai. Toutes ces ambiguïtés, on les a entendues. Ah, mais lui, il prie. Ah, il fait le frère. Hein? Toi, tu fais quoi? Tu fais le kafir ou là, tu fais quoi? Hein? Il fait le frère. Zahma, il va à la mosquée. On a entendu ça aussi. On a entendu ça aussi. Ça nous a touché un peu. Plus c'est passé, j'allais dire au-dessus des têtes. Non, sous les pieds. Sous les pieds. Naam. Ces mêmes personnes-là qui sont venues par la suite t'interroger, te demander. Naam. Et par la suite, des gens comprennent. Wallahi, hier, j'étais avec un ami d'enfance qui était avec moi au collège, subhanallah. Puis au lycée, un vrai ami d'enfance. Et maintenant, alhamdulillah, il est à la sunnah. Il veut apprendre, il étudie. Al-tawhid. Il m'a ramené des feuilles où il avait écrit le sens de la ilaha illallah. Et la sunnah et des savants. Il me dit, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est bon? Masha'Allah. Et il s'excuse et il remercie. Il me dit, quand on était plus jeune, au lycée, et que tu venais, naam, et que tu refusais de rester au quartier, et que tu partais faire ça, presque on avait une mauvaise opinion de toi, on n'était pas content parce que comme pour nous, tu nous abandonnais, tu étais hautain. Et maintenant, on a compris que tu pouvais pas te nuire à toi-même en restant au milieu de nous dans nos bêtises. Tu devais te protéger toi. Et lui me dit maintenant, moi je fais ça avec un tel et avec un tel. Et lorsque je passe, je dis la bonne parole, je et je pars. Combien d'années après ? Ça c'est une discussion qui a eu lieu. Peut-être l'année du baccalauréat. On avait, je pense, 18 ans. Il me semble que j'en ai 36. C'était à 18 ans cette discussion. Et hier, il me la mentionne. Alors que je l'avais oublié. Il vient, et Shaitan vient, il veut pas que tu fasses salat. Il va même te faire voir. Et ça, c'est un chapitre qu'on étudiera, inshallah ta'ala, dans le waswasa at-tazyin. Et at-tathbit. Et un troisième qui ne me revient pas. Il va te faire voir celui qui prie comme la personne qui est mauvaise. Subhanallah, qui est hautaine, qui est orgueilleuse, qui se prend pour et qui se prend pour. Et celui qui reste dans le haram à côté de toi, le fidèle ami, hein, le fidèle ami, celui qui sera toujours là pour toi, celui qui. Une histoire d'argent qui dépasse même pas 5 chiffres, un a tué l'autre. Quel ami fidèle? Une histoire de femme, un a tué l'autre. Quel ami fidèle? Hein? Par contre, celui qui fait salat, lui, c'est l'ami fidèle. Wallah, après ton dernier souffle, il est encore là et t'es plus là, toi. T'es plus là, t'es mort. Lui, il est là, il te lave. T'es plus là, il est là, il te lave. Il te met dans le vêtement. Il s'occupe de tes enfants. Il dépense pour ton épouse veuve. Il te met dans ta tombe. Il fait dua pour toi, il fait des sadaqat, il fait du khair pour toi, t'es plus là. Ça, c'est un ami fidèle. C'est pas celui qui est dans le haram avec toi, ton ami fidèle. Vous savez ce qu'ils font, ceux qui s'appellent les amis fidèles? Vous voulez que je vous dise comment est-ce qu'ils célèbrent le décès de l'un d'entre eux? Ils vont acheter de l'alcool. Et ils versent de l'alcool par terre et disent, c'est en l'honneur de un tel. Garde ton honneur, garde ton équipe. A'oudhou billah, ils sont dans, même après la mort, ils restent dans le haram. Alors que d'autres, après la mort, lorsqu'il y a la mort d'un proche, ils se rappellent, ils se souviennent, ils se repentent, ils reviennent à Allah Azza wa Jal. Tout ça pour vous dire quoi? Que le shaitan fait tout pour que tu ne pries pas. Et parlons de cette salat-là. Il y a un shaitan qui s'appelle Khinzab. Le prophète, alayhi salat wa salam, nous en parle dans Sahih Muslim. Ce shaitan vient dans ta salat. Et il te dérange, et il te dérange jusqu'à ce que tu ne saches plus combien tu as prié. Le prophète, alayhi salat, nous a appris à dire, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, à positionner à 3 reprises à notre gauche avec un minimum de souffle et de salive. Un shaitan te vient dans ta salat et te dire, uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada, mimma kunta ma tazkuru qabl. Un shaitan vient dans ta salat et te dit, rappelle-toi ça, rappelle-toi ça, rappelle-toi ça, des choses auxquelles tu pensais pas du tout avant ta salat. Et au final, il ne sait plus combien il a pris, rapporté par le Bukhari et Muslim. Ça, c'est l'inimitié, c'est la haine la plus vaste qui existe. Ou la plus vaste qui soit à notre égard. C'est celle du shaitan. Et tu peux comprendre ça de plusieurs points de vue. Retenez-les. Premièrement, adawatuhu mustamirra. Son inimitié, sa haine, elle est continue. Jour et nuit. Que tu sois résident, voyageur, un homme ou une femme, grand, petit, dans le ventre de la mer ou en dehors. En pleine possession de tes moyens de la santé ou en train d'agoniser. Son inimitié, sa haine, ses attaques, elles sont continues. Des fois, t'as un ennemi. Et aujourd'hui, il est vivant, demain, il est mort. T'as Stalihmin, tu te reposes de lui. Des fois, t'as un ennemi. Aujourd'hui, il est fort, demain, il est faible. T'as Stalihmin, tu te reposes de lui. Aujourd'hui, il a beaucoup de monde autour de lui. Demain, il n'a plus personne, tu te reposes de lui. Aujourd'hui, c'est ton ennemi. Demain, c'est ton ami. Tu te reposes de lui. Et j'en passe. L'inimitié du shaitan, il n'y a pas tout ça. Il était avant nous tous et il sera après nous tous. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal lui a permis de rester jusque quand? jusqu'au jour de la résurrection. Ça, c'est le premier point qui montre que son inimitié, c'est la pire. Deuxièmement, c'est un ennemi que tu ne vois pas. Et un ennemi que tu ne peux voir, mais que lui te voit, mais qui lui te voit, c'est un ennemi dangereux. Ça, oh là là. Un ennemi que toi, tu ne peux voir, alors que lui te voit, il t'a étudié depuis ton plus ancien ancêtre, Adam alayhi salam. Il était là au moment où Adam était là sans âme. Et il est encore là et il sera là. Et il meurt, comme les créatures meurent. Troisième point, il coule dans tes veines. Il court dans tes veines plutôt. Il court dans tes veines, il a accès à ton cœur. Il a accès à ton corps. Il peut avoir accès à ton âme. Il peut te nuire sur ton corps, dans tes membres, dans ton cœur. Un ennemi qui peut s'attaquer à tout cela, c'est un ennemi redoutable. C'est un ennemi redoutable. Un autre point, le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, il se pose sur tout chemin du bien et tente de nous mettre en déroute. Les ulama nous disent que Al-Shaytan, il me semble Ibn al-Qayyim rahimahullah, Al-Shaytan dit, ou bien Al-Shaytan étudie la personne. S'il voit d'elle qu'elle tend vers la ferveur dans l'adoration et la rigueur, il essaie de la faire tomber dans l'exagération, dans le roulou. Et s'il voit d'elle qu'elle est plutôt faible et a du laxisme, il tente de la faire tomber dans le contraire, dans le laxisme, dans le laisser aller. Son but, c'est que tu ne sois pas sur la sunna dans le juste milieu. Al-Shaytan ne te laisse pas prier tranquille. Lorsqu'il y a l'adhan, Al-Shaytan se sauve et il lâche un gaz, un paix précisément, avec un son donc, puis il revient. Quand il y a l'iqama, pareillement, puis il revient. Et il tente de t'ouest-ouest dans la salat. Jusqu'à la fin. T'es pas sincère, tu pries pas pour Allah. Tu faisais tel péché, là tu viens, tu te tiens dans la salat. Tu crois qu'Allah Azza wa Jalla va accepter cette salat-là? Naam. En vrai, tu pries pour ça, en vrai, kada, en vrai. Rappelle-toi ça. T'as pas oublié de faire ça? T'as pas oublié de fermer la porte à clé? T'as pas kada? T'as pas oublié de récupérer les enfants là? Là, il va te faire rappeler beaucoup de choses. Peut-être même des choses que, en dehors de la salat, tu fais tout toi volontairement pour t'en souvenir, t'arrives pas. Et dans la salat, ça vient. T'as deux doigts de, subhanallah, peut-être presque de te réjouir de cette chose-là. Mais c'est pour t'enlever ce qui est encore plus grand. La récompense, le lien avec Allah Azza wa Jal. Le lien avec Allah Azza wa Jal. On pourrait prendre l'exemple du hijab. Al-Shaytan vient à la musulmane et il lui dit, toi tu vas mettre le hijab alors que ta mère ne le met pas. Toi tu crois que t'es mieux que ta mère ou que t'es mieux que ta grand-mère ou t'es mieux que telle personne sainte qui fait que du bien ou t'es en France. Déjà on est mal vu. Déjà on est stigmatisé, déjà il y a le racisme, déjà il y a. C'est dur de s'intégrer. Hein? Et toutes ces choses-là. Ils vont dire de toi, ils vont faire, tu peux te faire agresser et toutes ces ambiguïtés. Hein? Toutes ces ambiguïtés. Tu ne pourras plus faire de tel sport, telle activité, tel travail. On dira de toi que t'es une femme soumise. On dira de toi que t'es une femme arriérée. Et ainsi de suite. T'es pas sincère, tu le portes pour ton mari, tu veux le mettre pour ton mari, tu veux le mettre pour te marier. Toutes ces ambiguïtés, shaitan, les amène. La femme à qui Allah veut le bien, elle jette tout cela contre le mur. Elle dit, a'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Moi, je vais me voiler par obéissance pour mon Seigneur, tabaraka wa ta'ala. je vais me voiler par obéissance pour mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Si je me marie, alhamdulillah, si je ne me marie pas, alhamdulillah, ala kulli hal. Je vais me voiler, je serai un exemple pour les femmes de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais me voiler, j'espère, les plus hauts degrés du paradis, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Je vais me voiler sans me soucier aucunement de ce que diront ceux qui prétendent combattre pour ma liberté. Or, ils veulent m'enchaîner et que je m'habille comme eux me l'auront ordonné. Quelle est donc cette liberté où vous interdisez à la femme de porter ce qu'elle veut et que vous lui ordonnez de porter ce que vous voulez, puis vous lui donnez le nom de liberté? Quel stratagème fallacieux! La femme musulmane est intelligente. La femme musulmane est cultivée. La femme musulmane est forte et digne. Elle ne saurait se laisser abuser. Naam, par ses stratagèmes, par ses faux amis. Wallahu al-musta'an. Revenons à la nuisance du diable. On a parlé de sa haine, on a parlé de son inimitié, de cela découle la nuisance qu'il porte, qu'il fait, l'atteinte qu'il porte au fils de Adam. Si on veut résumer, on pourrait dire qu'il y a trois points. Le premier, c'est le waswasa, ce sont les insufflations sataniques. D'accord? Et dans le waswasa, il y a trois volets qu'on étudiera au prochain cours, incha'Allah. Le deuxième, c'est la nuisance corporelle, la nuisance familiale, la nuisance économique dans tes biens. C'est-à-dire ta personne et tout ce qui t'entoure. Femme, enfant, argent, terre, il te nuit dans tes biens. Ta nourriture, toi, ta famille, tes biens. Ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième, c'est de nous monter les uns contre les autres. C'est de nous monter les uns contre les autres. Et ce procédé satanique, il est utilisé par certaines personnes qui utilisent cette politique divisée pour mieux régner. C'est une règle connue et ancienne. Et le père de cette règle-là, c'est Shaitan. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Donc là, on va parler de la nuisance corporelle. On va parler du deuxième point. La nuisance du Shaytan et ses différentes attaques sur nous. Là, on parle des croyants. Là, on va parler des croyants. Et Shaytan, concrètement, qu'est-ce qu'il peut et qu'est-ce qu'il tente de te faire? Allah Azza wa Jalla nous montre déjà que ça a lieu chez les gens pieux. Ceux qui sont pieux, on nous parle de ceux qui sont pieux. Lorsque des diables les touchent, ils se rappellent et voici qu'ils sont clairvoyants. C'est-à-dire que Shaitan trouve une porte. Quelle est cette porte? Ibn Qayyim dit il y en a trois. Chez les gens pieux, il y a trois portes. La première, c'est la porte de la colère. C'est-à-dire si tu es mashallah, tu es bien. Ben, Shaitan va scruter ces trois choses-là pour entrer. La première, c'est la colère. La première, c'est la colère. Certaines personnes sont bonnes, sont pieuses, dans salat, dans... Mais subhanallah, dès qu'elles s'énervent, elles insultent. Dès qu'elles s'énervent, elles sont comme hystériques. Elles perdent la tête, la raison. La raison. Elles cassent, elles insultent, elles gigotent. Naam. Elles oublient, elles... Donc, la première porte, c'est la colère. La première brèche, appelons cela ainsi. La deuxième, c'est Shahwa. C'est la passion et le désir. Lorsqu'il voit la passion et le désir, il rentre par cette brèche. Le troisième volet, la troisième brèche, c'est le rafla, c'est l'insouciance. C'est l'insouciance, il est dans la dunya comme s'il n'allait jamais mourir. Hein? Il oublie son din, il oublie le retour vers Allah, il oublie les ordres, il oublie les interdits, il oublie qu'il est surveillé par Allah Azza wa Jal. Passons maintenant à l'énumération de points concrets. Ton ennemi, il est dangereux. Son inimitié est déclarée. Il te voit, tu ne le vois pas. Donc il faut connaître ces points-là pour pouvoir s'en prémunir. Ash-Shaytan n'a laissé personne, ni même les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne l'histoire de Ayyub alayhi salam dans Surah Sad. وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. Et rappelle-toi notre serviteur Ayyub lorsqu'il invoqua ou lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé binusbin wa adab. Binusbin, dans le tafsir, ils disent ta'ab. Il m'a infligé une fatigue, une détresse, une épreuve. Tu trouves ces termes-là. Wa adab, ici ils ont traduit par souffrance, dans le tafsir j'ai trouvé dans mes biens. Il m'a attaqué dans mes biens, dans ma famille, dans ce que je possède. Les savants ont dit, et on trouve ça aussi dans un texte de Anas ibn Malik, عند ابن نعيم, pendant 18 ans, Ayyub alayhi salam est resté malade. Certains savants ont dit, il ne restait plus un endroit de son corps sans qu'il ne soit touché par la maladie. Allahu Akbar. Il ne restait plus un endroit sans qu'il ne soit touché par la maladie. Tout le monde s'est éloigné, si ce n'est son épouse, qui a pris soin de lui. Il a été dit qu'elle a coupé ses cheveux, qu'elle a vendu cela pour s'occuper de Ayyub alayhi salam, du prophète Ayyub alayhi salam. Donc, le shaitan n'a pas laissé Ayyub alayhi salam. Et que d'hommes et que de femmes souffrent des attaques du shaitan. Ceux qui ressemblent à des crises d'épilepsie sont des attaques du shaitan. Et ça arrivait à la femme noire, pieuse, qui nettoyait la mosquée du prophète alayhi salat wa salam, qui est venue voir, Ya Rasulallah, invoque Allah afin qu'il me soigne. Usra. Et il lui a dit, si tu veux, j'invoque Allah Azza wa Jal, qu'il te soigne, il te soignera, incha'Allah. Et si tu veux, tu patientes et tu auras le paradis. Écoutez la pudeur, la piété, l'intelligence de cette femme. Elle dit, elle répond, bel asbir, je choisis de patienter. Je choisis le paradis malgré l'épreuve. C'est cela que doivent dire les femmes musulmanes aujourd'hui. Je choisis le paradis malgré l'épreuve. Vous me calomniez? Vous me combattez dans mon voile? Vous, ceci et cela? Vous dites que, à partir de 13 ans, la femme est en droit de donner son corps à un adulte pour qu'il commette la fornication avec elle, mais qu'il faut attendre 18 ans pour que je sois assez intelligente, parce que je ne suis qu'une femme, pour savoir que je veux véritablement porter le voile. La femme musulmane, elle est au-dessus de tout ça. La femme musulmane est au-dessus de tout ça. Elle se dit, belle, également, elle se dit, moi, je patienterai sur tout votre mal. Et Inch'Allah, j'aurai le paradis. Cette femme a répondu, je choisis plutôt de patienter. Mais lorsque je fais ces crises, je me dévoile, je me découvre. Invoque donc Allah afin que je ne me découvre pas. Allahu Akbar. Dans sa maladie, dans son épreuve, dans sa recherche du paradis, elle n'a pas oublié sa pudeur. Elle n'a pas oublié sa pudeur. Donc, un shaitan t'attaque dans ton corps, t'attaque dans tes biens. On a vu qu'il a essayé d'attaquer le prophète alayhi salat wa salam avec une braise de feu dans la prière pour le toucher au visage. Un troisième exemple, lorsque la femme a des métroragies. Naam. Lorsque la femme a des métroragies, c'est-à-dire des écoulements de sang anormaux, en dehors de sa période menstruelle. C'est un shaitan qui l'attaque et tape sur une veine. Et tape sur une veine. Hein? Non. C'est les métro vaginales. Al-Mustahava, c'est pas Al-Nufasa. Non, Al-Mustahava, celle qui a des métrorragies. Contrairement à Nufasa, celle qui a le sang lors de l'année qui précède l'accouchement et qui le suit. Et elle, cette femme-là, va penser que c'est quoi? Que c'est des menstrues, donc elle va délaisser la salate. Ça, voici un stratagème du shaitan encore. Hamna bint Jahsh. Hamna bint Jahsh, radiallahu anha, nous dit, Kuntu astahid, j'avais des métrorragies. Haydatan kathiratan shadida, et l'écoulement était intense et était dur. Fataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam astafti. La femme musulmane, lorsqu'elle ne sait pas, elle revient aux gens de science, elle pose la question à sa religion. Et sa pudeur ne l'empêche pas de poser les questions. Elle lui a dit, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma situation est celle-ci et celle-ci. Il lui a dit, innama hiya rakdhatun min ash-shaytan. Il lui a dit, hiya rakdhatun min ash-shaytan, ay darbatun min ash-shaytan. C'est un coup que le diable donne sur la veine. Fatahayyadhi sittata ayyama ou sab'a. Évalue tes menstrues et prends dans le mois 6 ou 7 jours. Puis lave-toi jusqu'à la fin du hadith rapporté par Abu Daoud. Le quatrième exemple, As-sariqa, le vol. Shaitan te nuit en te volant dans tes biens. Lorsque Abu Hurayra a été chargé par le prophète alayhi salatu wassalam de préserver zakat al-fitr, Shaitan est venu, un diable est venu 3 nuits de suite et a volé de la sadaqa. A tenté de voler de la sadaqa. On a également étudié le hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui rentre chez lui dit bismillah et lorsqu'il mange dit bismillah, le diable dit, il dit à ses compagnons, vous n'avez ni lieu de séjour ici, ni dîner. Donc le shaitan tente de prendre de ta nourriture qui ne lui est pas halal. Dans un autre hadith, celui de Hudhayfa dans Sahih Muslim, il me semble, إذا لم يذكر اسم الله على طعام إذا لم يذكر اسم الله على طعامه إذا لم يذكر الله على طعامه استحله الشيطان. Lorsque le croyant ne mentionne pas le Allah sur sa nourriture, le diable se l'accapare ou se la rend licite. Un autre exemple, et c'est un des points les plus complexe, périlleux et nocif. C'est l'ishq. C'est lorsque le djinn ou la djinniya était prise de l'humain, de sexe opposé donc. La djinniya va être éprise de du fils de Adam et le djinn va être épris de la fille de Adam. L'ishq, c'est l'amour passionnel. C'est l'amour très intense, comprenant le fort désir, la forte attirance et le fort amour. Naam. Lorsque le djinn a ça pour l'humain, il va tenter de se l'accaparer. Il va vouloir être collé à lui. Et lorsque ce dernier va vouloir œuvrer, lorsque ce dernier va vouloir vaquer à ses occupations, il va le déranger. Il lui viendra même dans son rêve pour tenter d'abuser de lui. Et ça peut s'aggraver au point que ce soit même durant la journée éveillé. Si ce dernier ne combat pas ce djinn, si ce dernier ne se préserve pas, ne se prémunit pas contre ce djinn, peut y avoir de très mauvaises conséquences. Al-ishq, c'est une maladie gravissime. Et par cette maladie, il peut y avoir une grande emprise. La personne peut se mettre à avoir beaucoup ou à faire beaucoup de rêves érotiques. Naam. Ou à être bloqué durant la nuit et sentir une présence sur sa personne. Ça peut se manifester de beaucoup de manières. Puis, elle l'empêche d'avancer dans ses activités. Que ce soit le travail, il sera épuisé. Au moment de vouloir se marier, il se manifestera à nouveau pour faire capoter son affaire. Il lui mettra des doutes tout le temps. Oui, c'est vrai, il a ça, il me plaît, la situation, mais il y aura toujours un mais. Peut-être que ça n'ira pas plus tard. Peut-être que il est trop petit, il est trop grand, il est trop riche. Il y aura toujours quelque chose. En réalité, le djinn veut juste lui mettre du west-west pour ce qu'elle ne... Elle ne se marie pas ou il ne se marie pas. S'il combat son nefs et se marie, le djinn reviendra. Et lui montrera les défauts. Et lui cachera les qualités. Et mettra la zizanie entre les deux. Et fera en sorte qu'il le haïsse ou qu'il la haïsse. En apparence, il n'y a pas... En étudiant, on ne verra pas de problème concret qui amène à ce niveau de dispute. Mais en réalité, c'est le djinn qui sème la zizanie. En réalité, ça sera le djinn qui sèmera la zizanie ou la djinniya. Et certes, cela arrive chez les djinns à cause de l'ishq. Ça arrive aussi chez les shayatin ins. Ça arrive aussi chez les gens qui eux-mêmes sont des shayatin, des désobéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas se soumettre. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut combattre, il faut chercher refuge auprès d'Allah, il faut renforcer sa foi, il faut se repentir, il faut délaisser les péchés, il faut lire le Coran, il faut se faire ruqya, et tout ce qui amène à se défaire des chaînes de ces démons. Al-Shaytan jure par la puissance d'Allah que tant que notre âme sera dans notre corps, il tentera de nous égarer. Et Allah Azza wa Jal lui répond, par sa puissance et sa munificence, que tant qu'on lui demandera pardon, il nous pardonnera. Voici la longévité de cette inimitié. Tant que ton âme est dans ton corps. C'est-à-dire, tant qu'il y a vie, Al-Shaytan sera contre toi. Il y avait un dernier volet que je voulais mentionner, qui était l'inimitié du diable durant le sommeil du fils de Adam. L'inimitié du diable durant le sommeil du fils de Adam. Mais de peur que ce soit trop long, laissons ce volet pour la semaine prochaine, Inch'Allahu Ta'ala, en espérant d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde aide et assistance et qu'il nous garde en vie. Allahumma balighna shahr ramadan wa sallallahu wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On a entendu durant cette conférence la haine profonde que nous porte et nous témoigne le diable. Ce diable que tu ne vois pas, ce diable que tu ne peux combattre à vue d'œil. Ton seul remède, ton seul échappatoire, c'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala qui voit tout, vers Allah subhanahu wa ta'ala qui entend tout, vers Allah subhanahu wa ta'ala qui, lorsqu'il veut une chose, quelle qu'elle soit, il dit soit et elle. Invoque Allah azza wa jal, abandonne ton affaire à Allah tabaraka wa ta'ala, et jamais tu ne seras déçu de ce que ton Seigneur aura décrété pour toi. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.